Ich, Street Antwort, Fusil à pompe. J'ai cassé des pare-brises, brûlé des voitures, me saouler jusqu'à en vomir. Beaucoup de choses m'ont déçu, mais je ne laisserai plus le chétan m'envahir. Sois-en sûr que deal et débarrette ne m'a pas rendu fier, que l'argent facile m'a rendu des services. Ouais, mais il m'a donné aussi des galères. Je croyais bien faire, mais au fond c'était que des conneries. Je cherchais ni à taper, ni à m'en sortir. Le quartier m'a rendu ouf, la rue m'a pris tant de vis. J'ai tout dans cette période de crise. Découvre la vraie vie et même la réalité. Le bonheur se trouve pas dans ma cité. J'ai déjà songé à tout plaquer. Ma chaque fois je me voyais recommencer. Flirte avec la prison, rien de plus normal. J'étais fougueux et je crevais la dalle. Rien à voir avec le gentil quand j'étais petit. Au contraire, j'ai trop vite grandi. Les soirées bagarres ont laissé des traces. Je me rappelle plus le nombre de pétasses. À 13 ans déjà, je séchais au lieu de étudier à l'école. C'est drôle, mais les profs et moi c'était pas le grand amour. À côté y'avait ma mère, marque, je joue des mauvais tours. Pour toujours, je me suis fait faire des allers-retours sans détour. Y'a rien de mieux que la sagesse, laisse-moi évacuer dans ce street tout ce que j'ai, tout ce qui me représente, tout ce qui me touche, tout ce qui me prend la tête, tout ce qui me percute et qui fait de moi un homme libre.